moitié pas d'air. J'ai pas la tête au battle, je te connais par cœur, je t'éclate battle. Tu me fais tes manières, money, tu te fâches au classe Armani. Les étrangers, tu les remontes, tu rabaisses tes meilleurs amis. Ramène toutes tes preuves à l'appui, hein. Toutes tes bitches gratuites, hein. Qui me descend par derrière, venez en face à l'bande de Halki. Moi je prépare une carrière, allez-y mettez des barrières. Allez-y bande de chaque année que sa mère, j'arrive en roue arrière. J'ai toute la rue qui me soulève, Herbelzo qui me soutient. J'ai toute ma ville, écoute-moi fils, et toute ma vie je m'en souviens. Écoute la rue, je la connais. Combien de fois elle m'a promis, combien de fois elle m'a donné, combien de frères elle m'a repris. Écoute la rue, je la connais. Combien de fois elle m'a promis, combien de fois elle m'a donné, combien de frères elle m'a repris. Je suis H24 dans le barrio, tout le quartier est quadrillé. On traite de nous que l'état rigole, ils aiment tous nous voir condamnés. Ils aiment pas nous voir briller, ils veulent pas nous voir prier. Ils préfèrent nous voir charbonner pour pouvoir mieux nous griller. En ce moment, mon âme, je suis seul, nuit blanche, je m'endors à 6h. Je suis comme ça quand je m'as, je m'isole. Je dis rien, je me confie à ma feuille. On m'a fait du match, j'ai un bon cœur. Je fume le bon caché dans le bon cœur. J'ai du bon mon cœur quand je vois que mon son tombe dans le secteur. Je fume la purple, j'ai pas la maillasse, Scotty Pippen. Faites mon âme, j'ai qu'un seul leader. Faites d'ici là, je lui resterai fidèle. Non, je fais pas dans le mytho. Chut, arrête de m'imiter. On t'a cramé jusqu'au mitard, toutes tes promenades, tu les évitais. J'ai tellement donné de mon cœur que j'en ai même plus assez. Vis le présent, vois l'avenir, oublie le passé. Tu sais, c'est trop. Tous ces racos, ces mythos, tout ça c'est faux. Comme l'apparence d'une bimbo. Mais j'ai dû tomber pour réaliser, les gars, que je me suis trompé. Mais j'ai pu compter sur quelqu'un, ni la famille pour pas succomber. Wesh, l'ancien, arrête de rapper. J'ai plus de buzz que toi en indé. Tes phases, on les a cramées. Tu rappelais même, ça fait des années. On sait que t'as donné ton cul juste pour un feat avec la concu. Juste pour info, écoute ma confie, tu comprendras pourquoi t'es cocu. En ce moment, mon âme, je les baisse. JTLM, c'est le mec de test. Tout sec, 6-9 kilos, mais elle est belle. Et dans le rap, je pèse. Minimum, j'encaisse. 25, puis je vais te mettre à l'aise. Je vais te rappeler qui te tient en laisse. On parle de moi jusqu'à l'aise. Ah, à l'aise. Ah, ah, arrête. Pour toi d'envoyer des pics, c'est pas visé, t'es à l'ouest. Ah, ah, à l'aise. Ah, ah, arrête. Pour toi d'envoyer des pics, c'est pas visé, t'es à l'ouest. Écoute la rue, je la connais. Combien de fois elle m'a promis, combien de fois elle m'a donné, combien de frères elle m'a repris. Écoute la rue, je la connais. Combien de fois elle m'a promis, combien de fois elle m'a donné, combien de frères elle m'a repris. Oh.